J'en ai fait des trucs louches, des panettes, des tordus. Et quand y'en avait plus, j'en remettais une couche. Il m'en aura fallu des douches froides, des gamelles, enfumer des camelles pour qu'enfin j'accouche. Il me reste en stock plus d'un tour dans mon sac, à pieds joints dans les flaques, au milieu du pavot. Et chaque fois que je débloque, je fais mon comeback. Le C, c'est moi qui rate. Ce soir, j'offre la cour. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. À m'éclater la pastèque, à coups de whisky sec. J'étais complètement blatte, moi, petit White, le blanc mec. J'ai traîné ma tronche de cake toute la nuit, de drogue en drogue. C'est le flic de service à l'époque qui m'a fait mettre. Alors j'ai fini parmi les pubs, les macs, les dealers de coq et le capitaine ad hoc qui voulait que je vide mon sac. Il voulait que je vide mon sac. Il voulait que je vide mon sac. Mais je lui ai dit plus.